Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui le 29 du mois de Muharram de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le premier cours de notre série de cours sur le commentaire du livre Les fondements de la prédication salafie. De la prédication salafi, de As-Salafiyya, de Al-Shir Abdussalam Ibn Barjas, rahimahullahu ta'ala. Incha'Allah ta'ala, comme à mon habitude, je vais expliquer donc la méthodologie que je vais emprunter dans l'étude de ce livre. Donc je vais résumer le livre de Shir Abdussalam, rahimahullahu ta'ala. Il évoqua dans ce livre 10 points qu'il considéra comme étant des fondements de Ad-Da'wa Salafiyya. Et après une brève introduction que je vais résumer ici, j'entrerai directement dans le sujet et on essaiera de prendre 3-4 fondements par cours. Donc Inch'Allah Ta'ala, on terminera le livre d'ici 2-3 cours. Et en parallèle, nous allons terminer aujourd'hui le livre sur les règles jurisprudentielles de Cheikh Al-Allama Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, puis commencer à partir de la semaine prochaine le livre Awa'iq al-Talab de Cheikh Abdussalam ibn Barjas aussi. Et bien sûr, le but de ces assises, c'est vraiment de se faire un rappel, de s'enjoindre mutuellement au cramponnement à cette prédication bénie, cette voie bénie, al-manhaj al-salafi, de même que dans ce livre de Cheikh Abdussalam, rahimahullah ta'ala aussi, Awa'iq al-Talab, eh bien, nous allons nous enjoindre mutuellement à faire des efforts dans l'étude de la science. À faire des efforts dans l'étude de la science, et inshallah ta'ala, on essaiera de terminer Awa'iq al-Talab en à peu près une dizaine de cours, inshallah, en à peu près 2 cours, car il a évoqué aussi une dizaine de ces empêchements, de ces awa'iq, dans ce livre qui est un livre concis mais très profitable, comme vous allez le voir. Et j'essaierai, inshallah ta'ala, en fonction de comment on avance aujourd'hui dans l'étude du livre qui est devant nous ici, donc les fondements de Ad-Da'wa Salafiyya, j'essaierai de vous faire rapidement un résumé de la biographie de ce cheikh Abdussalam ibn Barjas la semaine prochaine lorsqu'on commencera ce livre Awa'iq al-Talab, donc les obstacles à l'apprentissage de la science. Ici, al-Shir commença cet épître sur les fondements de Ad-Da'wa Salafiyya par une introduction que je résumerai ici. J'évoquerai certains points qui sont venus dans cette introduction, comme je le ferai avec ces fondements qu'il a évoqués. Donc il évoqua ici 10 fondements à cette da'wa salafiyya. Je les avais déjà évoqués, si vous vous rappelez, rapidement, je les avais évoqués pour que on s'enjoigne mutuellement, encore une fois, à se cramponner à ce manhaj béni dans cette série d'assises que l'on avait fait l'été dernier, que j'avais appelé assises ouvertes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je les avais rappelés rapidement, les uns après les autres. Ici, on va les détailler un petit peu plus. Donc, Cheikh Abdussalam, rahimahullah ta'ala, nous dit dans son introduction de ce livre que cette prédication, Ad-Da'wa Salafiyya, repose sur plusieurs fondements. Donc ici, encore une fois, comme vous le savez, je résume le livre et je fais une traduction approximative du résumé de ce livre. Donc cette da'wa salafia repose sur plusieurs fondements. Ces fondements par lesquels elle se démarque des autres méthodologies et des autres groupes qui se sont égarés du droit chemin. Puis il nous explique dans son introduction que deux choses l'ont appelé à écrire cette épître. Cette épître, comme je l'ai dit, dans laquelle il réunit 10 fondements de cette da'wa, de cette prédication bénie, Ad-Da'wa Salafiyya. La première de ces deux choses, ce qu'il a vu, et ce que autre que lui a vu, sur plusieurs groupes, des groupes islamique, entre guillemets, sectaire, éloigné de la voie des pieux prédécesseurs, qui s'apparentent à ce manhaj, à cette voie. Bien qu'ils en soient éloignés, ils s'apparentent à cette voie honorable qu'est la voie des pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim ajma'in. Cette voie à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles: les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Et dans une autre version, puis ceux qui les ont suivis une troisième fois. C'est-à-dire ceux qui les ont succédés dans le bien et dans le suivi. Il nous dit, Ash-Shir, rahimahullah ta'ala, que ces groupes sectaires ont commencé, après s'être apparentés à cette voie bénie, ont commencé à écrire des livres, des épîtres, en s'apparentant à cette voie et en donnant comme titre des titres qui montrent leur appartenance fausse à cette voie. Donc des livres dans lesquels tu peux trouver dans le titre telle chose sur la voie des pieux prédécesseurs, telle chose sur la voie des gens de la sunna et autres. Et Shir nous dit que par cette œuvre-là, par le fait qu'ils écrivent ces épîtres et qu'ils donnent ces titres à ces épîtres, ils cachent du poison, du venin dans le miel, c'est-à-dire qu'ils se couvrent avec cette appellation honorable pour répandre leur poison auprès des musulmans. Et ils se cachent derrière cette appellation honorable. Et par ceci, ils cherchent à égarer, ou ils cherchent à appeler bien sûr à leur voix, qu'ils pensent être la bonne, et dans ceci, ils égarent les musulmans. Et le Shir nous dit combien de ces épîtres qui ont été écrits et dans lesquels nous trouvons ce titre sur la voie des pieux prédécesseurs, selon la voie des pieux prédécesseurs, selon la croyance des gens de la sunna, et ces épîtres sont loin des fondements des gens de la sunna, mais plutôt elles sont sur des fondements de des voies égarées comme Al-Khawarij, comme Al-Mu'tazila, comme Al-Soufiya et autres. Ceci est la première des causes qui appela Shir, qui emmena Shir, rahimahullah, à écrire cette épître. La deuxième de ces causes, le fait que plusieurs de ces groupes ont cherché à s'attacher et à s'apparenter à des gens de la sunna. Ceci afin de réaliser leur but et d'arriver à leur but. C'est-à-dire que ces groupes, qui sont des groupes sectaires, qui ne font pas partie de cette prédication bénie, ad-da'wa salafiyya, ont cherché à s'apparenter à des gens, en particulier ici, comme vous allez le voir, des savants, qui font partie de cette prédication bénie, ceci afin de réaliser leur but et d'arriver à leur fin. Et en réalité, comme nous le dit Shir ici, rahimahullah, ces savants, on dira ces personnalités qui s'apparentent à ce manhaj salafi, en particulier ici les savants, ces personnes, ces personnalités se désavouent de ces voies égarées, qui se sont accrochées à ces derniers, qui ont essayé de s'accrocher à ces derniers. Et le Shir nous dit, afin que ma parole soit claire ici, je dirais que le groupe des frères musulmans ont tourné autour des efforts de Shir Muhammad ibn Ibrahim al-Shir rahimahullah ta'ala, qui était donc le mufti fi al-mamlakat al-arabiyya al-saoudiyya harasah Allah avant Shir ibn Baz, qui lui-même rahimahullah était le mufti avant Shir Abdelaziz al-Shir hafidahullah ta'ala. Puis Shir détailla un petit peu comment ces derniers se sont apparentés à Shir Muhammad ibn Ibrahim al-Shir et ont essayé de se coller à lui. Je me contenterai de cette parole, donc où Shir a voulu donner une parole claire ici pour ne pas uniquement évoquer le fait que certaines personnes de certains groupes, mais plutôt il désigna clairement le groupe des frères musulmans. Ce groupe qui est un groupe égaré, qui est un groupe qui est construit sur, comme on l'a déjà étudié ensemble, sur Al-Khuruj, sur la révolte contre les gouverneurs. Donc c'est un groupe qui est khariji. De même que c'est un groupe qui est basé sur le soufisme. Ce groupe égaré qui ont voulu, à cette époque, à l'époque où Ash-Shir Absalam a écrit cette épître, ont voulu se coller à certains parmi les savants de la Sunna, et parmi eux, les efforts de Ash-Shir Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala. Puis le Shir nous dit que ces fondements qu'il va évoquer ici sont des fondements sur lesquels il n'y a pas de divergence entre les prédicateurs qui appellent à ce manhaj béni, que ce soit par le passé ou jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de divergence, ce sont des fondements sur lesquels tous sont d'accord. Et il nous dit ensuite une parole qui est très importante, rahimahullah ta'ala, il nous dit, avant de commencer à expliquer ces fondements qu'il va évoquer, donc ces 10 fondements, il nous dit que certes, as-salafiyya à laquelle nous appelons n'est pas comme les groupes islamiques, entre guillemets, sectaires présents aujourd'hui. Je dis entre guillemets, bien sûr, car comme vous le savez, l'islam se désavoue du sectarisme. L'islam se désavoue du sectarisme, mais ils sont appelés, de manière générale, des groupes islamiques, ces groupes qui sont en réalité sectaires, que chacun d'entre eux appelle à ce qu'il a, à ce qu'il estime être la vérité. Ceci comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Et Cheikh nous dit que ad-da'wa as-salafiyya, donc cette salafiyya à laquelle nous appelons, n'a rien à voir avec ces groupes islamiques, entre guillemets, sectaires que nous trouvons aujourd'hui. Ceci car en réalité as-salafiyya est le groupe des musulmans. As-salafiyya est le groupe des musulmans. En réalité, as-salafiyya à laquelle nous appelons, à laquelle nous revendiquons notre appartenance, est l'islam authentique. L'islam qui est basé sur le Coran et la Sunna, ceci selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et il n'y a pas de groupe qui s'appelle salafiyya tel ou salafiyya tel, mais uniquement lorsque l'on appelle à l'appartenance à ce groupe as-salafiyya, nous appelons en réalité à notre appartenance au groupe des musulmans et à l'islam authentique. As-salafiyya, ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, à commencer par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ceux qui les ont suivis dans le bien, puis ceux qui les ont suivis dans le bien. Barakallahu fikum. Il faut bien faire la distinction entre cela et certains groupes sectaires qui s'appellent salafi, groupe salafi, parti salafi. Mais en réalité, ils n'ont rien à voir avec Da'wa Salafia, car la Salafia ne connaît pas de parti, ne connaît pas de sectaire, ne connaît pas de parti politique à laquelle elle appartient, mais plutôt As-Salafia, c'est, comme l'a dit ici Shir, le groupe des musulmans. Puis il nous dit, rahimahullah ta'ala, en effet, tous ceux qui croient en la croyance salafi, c'est-à-dire la croyance de nos pieux prédécesseurs, à commencer des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui croient cette croyance fermement et qui suit cette croyance et qui s'y tient, en réalité est un salafi. En réalité est un salafi. Et cette appellation salafi, ayyuha al-ikhwa, est une appellation, comme vous le savez, qui est acceptée très largement dans la langue arabe. C'est une chose que les savants de l'islam ont acceptée, que ce soit dans les temps anciens et ceci jusqu'à maintenant, car en réalité la langue arabe elle-même accepte cette appellation, car c'est une revendication à as-salaf. Lorsque tu dis ana salafi, c'est-à-dire que tu te revendiques d'être sur la voie sur laquelle était as-salaf, as-salih, les pieux prédécesseurs de cette communauté, à commencer par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme une personne qui serait de nationalité ou d'origine, par exemple algérienne, qui dirait ana jazairi. Est-ce que quelqu'un va lui reprocher cette chose-là? Comme une personne qui aurait appris la jurisprudence, les règles de la jurisprudence selon une école juridique, par exemple l'école malikite ou l'école hanbalite, dirait ana maliki, ana hanbali. Est-ce que quelqu'un va lui reprocher cela? Et donc, lorsqu'une personne dit « ana salafi », il revendique son appartenance à cette voie bénie, la voie des pieux prédécesseurs. Et As-Salaf, c'est celui qui précède. Comme cela, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'adressa à sa fille Fatima, radiallahu anha, et qu'il lui dit Ni'ma As-Salaf, ana laki. Quel bon prédécesseur dans la mort, celui qui mourut avant elle, quel bon prédécesseur je suis pour toi. Il s'adressa à sa fille Fatima, radiallahu anha. Donc c'est quelque chose qui est accepté dans la langue arabe très largement. Donc est-ce que nous allons réprouver à une personne de se revendiquer de cette voie bénie alors que la langue arabe l'accepte, alors que les savants de l'islam l'ont accepté, et nous trouvons uniquement des gens qui sont eux-mêmes sectaires qui refusent cette appellation, et uniquement dans ces dernières années ou ces dernières dizaines d'années, alors que ceci était accepté auprès des savants de l'islam, comme tu peux le retrouver dans certaines biographies de l'imam al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, où il dit un tel était salafi dans sa croyance. L'imam al-Dhahabi, qui fait partie des savants du 8e siècle de l'Égypte, qui, dans plusieurs de ses biographies, qui était un historien connu et reconnu dans ses livres comme As-Siyar ou dans Tariq al-Islam ou autre que cela parmi ses livres qui sont connus et reconnus de l'ensemble des musulmans, dit de telle personne qu'il était salafi dans sa croyance. On accepte cela de lui sans aucun doute. Comme cela lorsque tu dis je suis salafi, c'est-à-dire que tu revendiques cette appartenance à l'islam authentique, l'islam construit sur le Coran et la Sunna selon la compréhension de As-Salaf, As-Salih, les pieux prédécesseurs. Donc Ashir nous dit que en réalité toute personne qui croit cette croyance, la croyance de nos pieux prédécesseurs, et qui suit et qui se revendique de cette croyance, et qui suit et qui adopte cette croyance, en réalité est un salafi. Et nous ne faisons pas de différence entre l'un et l'autre. De même que nous n'avons pas, et ceci est très important, Ayol Iqwa, il nous dit nous n'avons pas de lien si ce n'est avec nos gouverneurs, les gouverneurs des musulmans, et nos savants. Et nous ne cachons rien. Ceci est très important. Pourquoi ? Parce que tous ces groupes qui se revendiquent des groupes de tel et tel groupe, c'est-à-dire des frères musulmans, ou des groupes de Jama'at al-Tablir, ou même de certains groupes qui se revendiquent de groupes salafis, soi-disant dans leur appellation, mais qui sont des groupes politiques et autres, tous revendiquent leur attachement à une personne qui sera leur chef, une personne qui sera leur guide et autres. Alors que le salafi, son guide, qui est-il? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est les imams de la guidée. Parmi les imams de Sahaba et de Salaf al-Salih, les imams des quatre écoles juridiques et de tous les autres, et tous les autres imams qui les ont suivis dans le bien. Voici les personnes à qui s'apparentent et à qui s'accrochent les salafis. Et il nous dit, nous ne cachons rien. Il n'y a pas de choses cachées dans As-Salafia. C'est une personne, tu lui demandes, mais qu'est-ce que As-Salafia en réalité? Je viens de l'expliquer ici. Ni plus ni moins. Ceci est As-Salafia, à l'inverse de certains groupes, comme les frères musulmans, où ils expliquent certaines choses aux novices et certaines choses aux anciens. De même que Jama'at al-Tablir, si tu ne fais pas partie de l'Qudama, qui est sorti 4 mois, on ne t'explique pas certaines choses. À l'inverse, on explique certaines choses à une personne qui sera sortie uniquement 2 jours, qui ne sera pas sortie. Cette personne-là, on lui explique certaines choses et on lui cache d'autres choses qu'on explique uniquement aux anciens. De même que tous les autres groupes égarés de l'islam, ils ont des choses qu'ils expliquent à certains d'entre eux et qu'ils cachent à certains d'entre eux. À l'inverse de cela, le salafi est clair, il n'y a rien dans sa croyance et dans son manhaj, dans sa méthodologie qui est caché. Puis, il nous dit, Ashir, mais plutôt, nous sommes sur ce sur quoi ? Sur ce qui est écrit dans les livres qui se revendiquent de cette voie bénie, la voie de l'islam authentique. De même que ce qui est enregistré dans les cassettes enregistrées par nos savants de l'islam. Et le Cheikh termina cette introduction en disant, et nous réunissons autour de nos gouverneurs, les gouverneurs musulmans, et nous réunissons aussi autour de nos savants, ces savants qui sont connus pour leur attachement à la sunna, ces savants qui ne sont pas tombés dans les innovations. mais plutôt ces savants, comme il l'a évoqué Cheikh dans le livre, il évoqua un certain nombre de savants parmi eux, Cheikh Al-Allama Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, Cheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, de même que Cheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, de même que Cheikh Salih Al-Fouzan hafidhahullah, de même que Cheikh Al-Luhaydan rahimahullah ta'ala, et autres parmi les savants comme Cheikh Al-Ghadayyan et autres parmi l'ulama rahimahullah ta'ala, rahimahullah azza wa jal al-amwata minhum wa hafidha alayna al-ahya, parmi ceux qu'il a évoqué dans ce livre. Ceci est très important, bien sûr, d'évoquer les noms des savants, d'appeler les gens à ces savants afin qu'ils soient connus, que les savants sachent, que les gens de la masse sachent vers qui revenir parmi les savants intègres, suiveurs de la sunna, suiveurs de la guidée. Puis Shir commença par le premier de ses fondements, qui est l'attention que porte la personne qui s'apparente à cette voie, à cette prédication, à ce manhaj, al-salafiyya, cette importance que nous portons à l'étude de la science légiférée et à l'apprentissage de la religion. Ceci est le premier fondement qu'évoqua Ashir. Puis, lorsqu'il développa ce fondement, il nous dit, dans le sens de ses paroles, rahimahullah, en résumé, il nous dit que ceci est l'un des fondements sur lesquels se base cette prédication bénie, ce manhaj bénie, l'étude de la science, porter une attention particulière à l'étude de la science, l'étude de la religion. Ceci au moment où beaucoup de ces groupes, entre guillemets encore une fois, islamiques, aujourd'hui, ne prêtent aucune importance à la science légiférée. Et ceci au moment où beaucoup des suiveurs de ces groupes ne relèvent pas leur tête lorsque est évoquée la science légiférée. Plutôt, al-da'wa al-salafiyya donne une importance particulière à l'étude de la science, et ceci fait partie même de l'une de ses bases fermes, une de ses bases fermes sur laquelle cette prédication est construite. Car en réalité, la science en religion est ce sur quoi est construit la vie du croyant. En effet, le croyant, c'est-à-dire à son niveau individuel comme au niveau du groupe des musulmans, sans aucun doute, est construit sur l'apprentissage de la religion, et ni l'individu ni le groupe des musulmans ne peut se réformer si ce n'est par la science en religion, l'apprentissage de la religion, la science en religion. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre, de rechercher la science avant les paroles et les actions. Comme il le dit tabaraka wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik wa lil mu'minin. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, et sache qu'il n'y a d'autre divinité ou qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et demande pardon pour tes péchés et pour les croyants. Nous voyons ici, comme vous le savez, comme l'a dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Ismail, Abu Abdillah, qui est mort en 256 de l'Hégire, parmi les imams de la guidée. Il dit dans son livre As-Sahih, l'authentique, Babul Ilm, Qabl al-Qawli wal-Amal, la porte de la science avant la parole et les actes. Puis il évoqua ce verset de Sourate Muhammad, le verset numéro 19. Et le Shir de nous dire, et seulement nous avons fait que la science est le premier de ses fondements que nous avons évoqué ici, car en réalité les voies sont nombreuses. Et beaucoup de ces voies, les voies sont nombreuses, et beaucoup de ces voies sont des voies de l'égarement en dehors de la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci comme l'a dit Allah, tabaraka wa ta'ala, et certes, ma voie est une voie droite, suivez-la donc et ne suivez pas les chemins. Et donc ceci, cette voie droite est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette voie qui est construite comme évoqué dans le verset précédent sur l'apprentissage de la science avant de se prononcer, avant les paroles et les actes. Et le shir de nous dire qu'il n'y a pas de moyen de suivre cette voie, la voie de la sunna, si ce n'est par la science, si ce n'est en l'apprenant. Cette science qui te dévoile la réalité, les réalités en religion, de même que cette science t'éclaire la voie à suivre. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans ce verset, « Qul hadihi sabili » dit au Muhammad, dit « Ceci est ma voie ». Puis il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, « Tabaraka wa ta'ala » Donc lorsqu'il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani » Il dit dans le sens donc de ses paroles et dit, ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Il dit donc avec clairvoyance, c'est-à-dire basé sur une preuve, sur un argument, sur une preuve non équivoque. Et ces deux-là sont la science profitable, comme le dit, donc l'argument et la preuve non équivoque sont la science profitable, comme le dit l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, les gens sont plus, ont plus besoin de la science qu'ils n'ont de besoin de la nourriture et de la boisson. Leur besoin de la science est plus grand que leur besoin dans la nourriture et la boisson. Car une personne peut avoir besoin de la nourriture et de la boisson dans sa journée qu'une seule fois ou deux fois. Mais en dehors de cela, son besoin qu'il a de la science, ceci à chaque fois qu'il respire. Le besoin qu'il a de la science à chaque fois qu'il respire. Et ce qu'il est bon de savoir ici, c'est que l'apprentissage de la science est de deux sortes. Une obligation individuelle, donc il incombe à toute personne, et une obligation de groupe, donc un fard aïn et un fard kifai. Une obligation individuelle et une obligation de groupe. L'obligation individuelle est, comme l'a dit Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, comme dans les trois fondements, comme vous le savez, lorsqu'il dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à l'ensemble d'entre nous d'apprendre quatre sujets. Le premier, la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam selon les preuves. Ceci est ce qui est obligatoire à tout musulman. C'est une obligation individuelle. Ceci, comme le dit Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, il dit dans le sens de ses paroles, toute chose qui est une obligation pour toi, l'apprentissage de cette chose est une obligation pour toi. Et le shir de nous dire que, comme cela, demander aux gens de science fait partie de l'apprentissage de la science. Demander aux gens de science fait partie intégrante de l'apprentissage de la science. Lorsque tu ne sais pas, tu demandes aux gens de science, ces derniers t'éclaire la voie, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, fas'alou ahla dhikrin kuntum la ta'lamoun, et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas, dans le sens approximatif de ces paroles tabaraka wa ta'ala. Puis il nous dit rahimahullah ta'ala que la deuxième de ces sortes de sciences, qui est de ces sortes d'apprentissage de la science, qui est l'apprentissage qui est une obligation de groupe, fard kifai, est toutes les sciences qui sont en dessous de cela, en dessous de ce qui t'est obligatoire de pratiquer. Donc ce qui t'est obligatoire de pratiquer, ceci à ce moment-là sera obligatoire pour toi de l'apprendre, comme les bases de la croyance, de même que les règles jurisprudentielles des adorations qui te sont obligatoires de pratiquer. En dessous de cela, eh bien, ce sera une obligation de groupe. Et Cheikh nous dit que cette obligation-là, ou cette sorte d'étude de la science, qui est une obligation de groupe, est ce qui est meilleur que les adorations surérogatoires. C'est-à-dire l'apprentissage de cette sorte de science-là, la science qui n'est pas obligatoire à tout à chacun, qui n'est pas une obligation individuelle, mais une obligation de groupe, cet apprentissage-là, ce talab-là, cette recherche-là de la science, est meilleur que de pratiquer des œuvres surérogatoires, ceci d'après ce qui a été évoqué par les gens de science, comme ceci. La parole de l'imam Ahmed, où il dit « L'apprentissage de la science et l'enseignement de la science est meilleur que le combat dans la voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala. » Et autre que cela, parmi les choses qui sont des œuvres surérogatoires, comme ceci, la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, où il dit « La recherche de la science est meilleure qu'une prière surérogatoire. » La recherche de la science est meilleure qu'une prière surérogatoire. Puchir nous dit que plusieurs personnes parmi les anciens, parmi les personnes qui sont avancées en âge dans ce pays, il parle de Al-Mamlaka, Al-Arabiya Saoudia, Harasahallah, il dit plusieurs d'entre eux apprennent par cœur des livres de croyance comme Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, de même que Kashf al-Shubuhat, le dévoilement des ambiguïtés, de même que Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Ils apprennent ces livres qui sont des livres bénis, qui sont des restes de la prédication, l'appel de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, ibn Sulayman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala. Et ceci est ce qui a été décrété par l'imam Saoud ibn Abdul Aziz, rahimahullah, de même que l'imam Faisal ibn Turki et autres que eux, ils ont décrété que ces livres étaient des livres qu'ils ont décrété que ces livres étaient des livres à étudier dans les écoles là-bas, fil mamlaka al-arabiyya as-saoudiyya bilad at-tawhid wa as-sunna harasahullah. Et par cela, le cheikh nous dit, par cela, donc le fait qu'ils ont décrété que l'apprentissage était un apprentissage qui était obligatoire dans les écoles, que les petits comme les grands apprennent, que les gens de la masse comme les étudiants en sciences apprennent par cœur. Il nous dit, Cheikh, que ceci est une cause par laquelle Allah Azza wa Jal a préservé ce pays. Le fait que les gens dans ce pays, l'apprentissage est basé sur l'apprentissage de Tawhid en premier lieu. Et ceci est une cause par laquelle Allah préserva ce pays, le fait qu'il a été fondé sur l'appel au tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci était la voie de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fondé les bases de sa prédication sur l'appel au tawhid. Comme cela, tout appel qui n'est pas fondé sur l'appel au tawhid est un appel qui est fondé sur autre que ce sur quoi était fondé l'appel des messagers et des prophètes. Je m'arrêterai ici aujourd'hui. Donc le premier fondement ainsi que l'introduction, et à partir de la semaine prochaine, inchallah, on avancera un peu plus vite dans l'apprentissage de ces fondements, car ce fondement était le plus long. Ce fondement est la base des fondements, l'apprentissage, l'importance de l'apprentissage de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et vous verrez dans son livre aussi Awa'iq al-Talab, donc les empêchements, les entraves, et comme je l'ai traduit ici, donc les obstacles à l'apprentissage de la science, Awa'iq al-Talab, nous verrons un peu plus en détail certains nous verrons un peu plus en détail ce fondement qui est basé donc sur l'apprentissage de la science en religion, et un peu plus de détails à ce propos. Inch'Allah ta'ala, wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.